Si un jour on meurt, alors on bourre. Un jour ce sera mon heure dans le four, mon tour. Pourquoi laisser une trace d'un blast de strass? Alors elle a ceux qui la voient, la ressasse repasse ses faces. Pourquoi m'efforcer au match? Je m'éclate sur 3 des 4. Je claque la ligne de vie et tasse sans prévenir ses cartes. Ou meurt sous un jour bombé. Même les immortels meurent dans les générations. Pour